Frédéric Sigrist, parlons un petit peu de ce remix à la Madonna de Virginie Despentes avec Luce. Tiens. Mais écoutez, Charline, Virginie Despentes et Luce qui viennent parler de la bande dessinée Vernon Subutex à France Inter dans une émission de Charline Vanhoenacker, on n'est pas loin des Avengers du féminisme intersectionnel. Hein. On ajoute un clip de Céline Sciamma sur une chanson d'Adèle Haenel écrite par Mona Chollet avec Rocaille Diallo qui fait les chœurs. Je pense qu'on peut voir Alain Finkielkraut exploser depuis l'espace. C'est extrêmement compliqué de parler avec justesse d'une bande dessinée à la radio. Vous remarquerez d'ailleurs que j'insiste bien pour dire bande dessinée, hein, et non pas roman graphique, qui est un terme uniquement inventé pour les snobs qui veulent pas être surpris en train de lire une bande dessinée. Hein, on a la même chose avec le one man show, quand ça fait trop prolo, on parle d'un seul en scène. Il y a des mots, ils sont comme Bellamy dans le livre de Maupassant, ils sont obligés de se mettre sur leur 31 pour plaire à un certain milieu. Or, il n'y a rien de plus noble et de plus riche qu'une bande dessinée. Pour moi, c'est le médium ultime de la narration. Plus que le cinéma, hein. Pas de contraintes de budget, pas d'études de marché, pas d'égo de star qui se regarde jouer, ou de producteur. Plus que le théâtre, et j'ose le dire, plus que la littérature. La BD, c'est le director's cut de l'art. Faut juste trouver l'équilibre précaire entre ce que peut raconter le texte et ce que peut raconter le dessin. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant qu'un dessin. Un mot, faut savoir le lire, le reconnaître, il doit être traduit. Un dessin, lui, c'est universel et ça s'adresse à une part de nous-mêmes qui précède même l'invention de l'écriture, une part uniquement sensorielle. Et à cet exercice, Charline, Vernon Subutex, par le duo Luce et Despentes, est épatant. Vraiment. Faudrait expliquer à Adrien Quatennens et Will Smith que c'est comme ça qu'on met des claques au monde. Je voudrais vous remercier, Virginie Despentes, d'avoir véritablement adapté Vernon Subutex, pas transposé, adapté. Parce que votre Vernon fait deux mots dans une trilogie si brillante que je trouve depuis des années dans toutes les bibliothèques de mes amis de moins de 45 ans, à côté de King Kong Theory et de Cher Connard. À une bibliothèque vide chez Ikea, on appelle ça une Billy. Pleine, on appelle ça une Despentes. Ah, joli. Merci, merci, merci d'avoir accepté de lui avoir donné une seconde vie à ce Vernon dans un monde fait de coups de crayon, d'esquisses et de mise en scène comme seul Luce a su le faire. Alors qu'on soit clair, la bande dessinée Vernon Subutex n'est pas une bande dessinée qui vous plaira si vous avez aimé les livres. Vernon Subutex par Luce et Virginie Despentes vous plaira parce que c'est une excellente BD, tout simplement. Rien que la manière dont Luce dessine Paris. Alors c'est clair, on n'est pas dans le Paris de Emily in Paris. Hein. Ah non, là on n'a pas les Géo. Hein. Ça fourmille de détails plus vrais que nature, des toits sous les ponts, il y a des planches qu'on peut presque sentir. On retrouve évidemment le style de Luce que l'on connaît de ses années Charlie, mais avec une noirceur joyeuse qui m'a, et c'est un compliment, aussi fait penser aux idées noires de Franquin. Et même au Dark Knight de Frank Miller, dans la composition de certaines planches ou dans l'utilisation très réfléchie des touches de couleurs. Je flaque là. Non mais c'est vrai, c'est un pari de l'addiction au monde, de l'addiction au bruit, du métro, au sport, à l'alcool et au béton. Un pari qu'on adore, mais dont on essaie de se séparer progressivement. Et qui change aussi. On sent qu'après avoir arrêté l'alcool, Vernon devra arrêter Paris. C'est une addiction parmi les autres. Les Subutex-Men, c'est comme ça que j'appelle la bande à Vernon. Mm-hmm. Imaginez les X-Men si le professeur Xavier était un SDF rachitique à hipster. Un hipster, c'est un mec qui se rase le cul mais pas la barbe. Et un mec chaussé de Santiago rouge qui a pour unique super pouvoir de savoir mixer divinement. Et ce groupe, c'est que des gueules cassées et des physiques de radio. Dans un monde tout pâle, il y a seule une touche de rouge et de rose qui semble les lier. Et quand je vous parle de la magie du dessin, je pense à Xavier, dans un personnage de la bande dessinée qui, même papa et en couple, se sent si seul qu'il en vient d'une case à l'autre à perdre les détails qu'ils définissent pour ne devenir qu'une forme blanche avec deux points à la place des yeux. Je pense à la veine de Patrice qui, en dézoomant, devient un arbre. Je pense à Charles qui, après avoir appris sa victoire au loto, marche dans un Paris ravagé par des boules géantes de la Française des Jeux. Et puis il y a Vernon. Vernon, ce Vernon messianique qui m'a fait penser au Brian de la vie de Brian des Monty Python. Le messie qui ne veut pas être messie. Quand on pense qu'à votre corps défendant, vous Luce et vous aussi Virginie Despentes, vous êtes aussi devenus des symboles de lutte et de combat qui bien souvent vous dépassent, difficile de ne pas voir le parallèle que l'on peut faire entre vous et Vernon Subutex. Un homme qui a juste voulu faire ce qu'il savait faire, c'est-à-dire mixer, pour rendre le monde moins merdique. Merci Virginie, merci Luce, grâce à cette bande dessinée, il l'est. Ouais. Oh. Merci. Merci Frédéric Sigrist pour cette lecture du Vernon Subutex paru chez Albin Michel. Merci beaucoup.